À l'occasion de la Journée du Soleil et de l'anniversaire de fondation de l'Armée populaire de Corée, le Parti communiste italien a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, accélérant la victoire finale par l'offensive idéologique révolutionnaire, à l'imprimerie Carlo Collini à Rome.